mer et le vin s'aiment d'amour depuis longtemps, depuis toujours. La mer et le vin se ressemblent. La mer et le vin dorment ensemble. Ils sont comme nous deux. Leur cœur n'est pas plus grand. Pour moi tu es la mer, pour toi je suis le vin. La mer voudrait garder le vin rien que pour elle. Hélas, on sait bien que le vin est infidèle. Elle a beau pour le retenir, creuser ses vagues, renouveler comme à plaisir ses paysages. Le vent s'en va, le vent revient. Aujourd'hui là, demain, plus loin. La mer et le vent s'aiment d'amour. Depuis toujours, la mer et le vent se désirent, la mer et le vent se déchirent, ils sont comme eux.